Et on continue la soirée avec Cyril. Cyril des Zinzins de l'espace, qui lui est sur Reason, donc sur PC toujours. Et ben, je crois que ce sera sans transition. C'est parti. We'll be right back. Et tout. We'll be right back. c'est tout. We'll be right back. c'était Cyril sur Electron Libre, Antenne Dog toujours. Donc c'était live Reason. Et ben on va poursuivre avec Defray qui est revenu ce soir, donc je vous le disais au début de l'émission, et qui va passer des morceaux, des petites nouveautés. Il nous a dit nouveautés, tout ça. Et puis c'est lui qui parlera au micro, parce que comme ça il pourra présenter tout ce qu'il va nous faire écouter. Donc voilà, des nouveautés breakcore essentiellement, hein. Nous on fait pas trop ça dans l'émission, donc ça nous fait plaisir qu'on ait des gens qui viennent pour nous faire découvrir. Voilà, je lui laisserai la place et il nous présentera ça, ça fait plaisir. Et donc on est là jusqu'à 2h, hein, comme d'habitude, Electron Libre. Ça continue, allez.